tous les abonnés du PRDC, bienvenue dans votre émission Bicolo Yambo Cannabiso. Bicolo Yambo Cannabiso, les émissions Nabino O, et sa cabine opportunité, il y a pour découvrir tribu et pourquoi pas coutume, il y a chaque tribu. Les lots de porter sur Nabiso sur des Konabiso, Manyanga. Voilà, tu y a mis les lots, papa Kitoko. J'en profite de cette occasion pour dire un grand merci à toutes les personnes qui sont connectées, câblées en ce moment sur EcoRDC, votre chaîne. Et merci également à toi, Esteban Boni, qui est derrière la caméra. Et merci également à toutes les personnes qui nous suivent. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Comme je le disais, je suis accompagnée de papa Kitoko, qui est mon invité du jour. Donc, on est un peu échangé naïe. Donc, on est un peu comme ça, c'est la manière. Comment est-ce que Vivaka, coutume Nabangou, ils ont fini. Je vous signale que nous sommes là, malgré que madame la pluie, Azoti Kabisoté, comprenez que tout ça vraiment presque mouillé. Donc, vous là. Et dérangé, je crois que même voir brouillot qu'ils ont un peu cassé, donc Tobete Bimboula, toujours pour nous servir Bino, pour nous donner Toyokanana Bino, il y a toujours Mana pour nous servir Bino, voilà pourquoi les autres, à Awa, na commune, il y a Nji, le Kokutanana, papa Kitoko, Oyu Akomeka, Kobito, le Solo, il y a Mamanyanga. Naza de Jane, na Patunanga, bonjour papa Kitoko. Bonjour ma fille. Bonne santé. Ça va, je vais bien. Ok. Papa Kitoko, que vous rappelez à vos téléspectateurs et pourquoi pas à vos abonnés à Bisso, ceux qui ont allé monter à la colonie. Bon, je vais d'abord remercier Bino de nous avoir Awa et la confiance pour Pessi Bisso. Quoi dire? Naza manyanga. Ba manyanga, toza manyanga ya luozi na manyanga ya kasi. Manyanga ya kasi touta na luozi. Bongo pona mwa sécheresse eyaka tokomi koluka bipai tokomi kozila survie ndeto yaka ko découvrir mboka kasi. Na rive mususu ya luozi. E kasi eza nini? Kasi wana ekoki ezo kokisa 100 ans nango bientôt depuis basala mission kasi. Et j'aimerais vous dire que toko fete anniversaire centenaire ya mission kasi. Et j'aimerais déjà vous inviter à cette opportunité soki bokokoka kuzala na biso elongo. De ce fait, mission collectivité Kasi, autrement dit, ça la ombo de collectivité Nabiso. Tous attachés à la commune à Songololo et tous à la cataracte. Bongo, Kasi, selon l'histoire, les alakater moko volcanique. Nakala. Eza kontre moko ya moke, mezalaka volkaniki nakala. E balarve wana oyetikala, bien que volcan ici là, parce qu'il y a beaucoup de montagnes là-bas, balarve oyetikala, yango sala ke fertilité ya kasi, eza makasi. Biloko ebotaka mingi, mais ce qui nous dérange, ce sont les routes. Pona kolongwa kimpese, tiko koma na kasi. La mission Kasi, il a seulement 75 km. Mais pourquoi moi, le col Angeles à Limapé, tu peux faire toute la journée, et voire même deux jours. Et puis le comme il y a, exact. Et il y a vraiment difficilement. Et na où est allé ma balle? De ce moment-là, tu vas la canner. Avant tout, quand tu as ma balle, la papa qui te connaît un peu. Quand tu as expliqué, tu es là, hein, ma manière et tout. Mais moi, le détail, il y a un combo, il y a un combo, ma manière. Et où tu vas? Bon. Bisonio, c'est où tu as en Angola. na Congo di Antotila. Côté Yambanza Congo, Oyo Kakawana, et Pai Kimpavita Azalaka. Et Bisopeto Utakuna, Bongo, de l'autre rive, de traverser, Toke Kofanda Kuna. Oyo Kakana Pesingombe, Banani, Bisonyonso, Toyela Nanzelawana. Alors, Manianga, explication à comment Manianga. Wana pena na yebi malamu mingi te. Okay. Na yebi malamu mingi te. Mais seulement je sais que ndenge na lobi ndenge yo kaka église kimbangiste simo kimbango et natif de Manianga auta na Manianga nde a traversé a kei na nkamba kuna na bisingombe nde afi kusala église kimbangiste mais origine na ye Manianga et Biso na koloba ba Manianga wana soko ke mingi opusiti kuna na musika oke nokokuta limite ezali a fleuve te ezali kaka mabele ndezo kokabola biso na Congo Brazzaville notamment kote ba Mwanda Nsemi ba MB oyazaka na mituka kote na bango wana Bam soubaliaka franc congolais, bam soubaliaka franc CFA. O bazali awa, baki ko sala na bango na Brazzaville, na mabeli ya Brazzaville, o bazana mabeli ya Brazzaville, baki ko sala e pa na biso. Okay. Ah, donc ça vraiment étendu moko monene. Monene. Do ko yoka bankundi ezali e pa bazo sala bilanga pona ko lesa bana mboka. Ah, donc c'est ça. Tout ça, bah, Manianga, mais le mot Manianga, si seulement vous m'aviez accordé le temps, il y en a tout dans la bambouta mounto, bah, les kinga, de bah, il y a pas de sa explication. Ok. Toi, quand tu as dit qu'on a ma mabala, ça m'a fait bon, na mabala, mabala, biso ba Manianga, tu bala kandengi nini. De temps ancien, mabala ezalaka cherté. Ezalakaka mipiku ya baboti ya koko opesi na masanga ya mbila na masanga ya koko oke ko pesa na belle famille pe ozumwa sinayo obali mais fo batala yumu tozulinga kobala iske ozama kasi ya kosala bilanga ozama kasi ya komatana nzeta mbila ozama kasi Il y a quatre banzete pour survivre à l'ibota na yo. Ceux qui m'ont dit qu'ils apparaissent, les balawana famille wana bako refuser yo. Et d'ailleurs avant au bala, faut informer ba parents na yo. Et ba parents ba yebi famille nini auto bala naka, famille nini auto bala naka te. Parce que famille mususu c'est une sorcellerie, famille mususu baza ba paresseux, famille mususu baza kaka ndengwana. Esa famille esa ligne moko e botaka batumoko ba débile mental alors yo soki koko bale la wana oko mema libota wana na kati ya famille na biso donc le vieux intervenait pour le mariage esa lokola leloté bino boso lobake non et to lingane na biso li bale esa pona batumi bale na tangu wana ezalaka bongote fo ba muta muntu ba yeba e pa yo koko bale la Famille wana ezandenge nini. Voilà, ezalaka bongo. Ok. Et ceux qui mutu à commettre acte moko oyeza mabe, ma punition bana kozala ndenge nini. Bon, ceux qui donc mibeko ezalaka, bien que l'État ezalaka payana makasi mingi te, mais du moins coutume ezalaka na mibeko nango. Mibeko ezalaka ke yo oza muyibi oyibaka to ozumu asi abato to oza mutabakisi oye ko deranger bien-être ya population bakukanga yo parce que chef azalaka chef a tribu azali akopesa ordre bakangi yo tango bakangi yo ekozala mokolo moko ya dimanche bake batimuli deja libulu na zando o babana ko benga zando de nkenge na zando wana batimuli libulu libulu neti batoilette arabe oyo batimulaka eza profond mais za munene mingi te ba kotio na kati avant okota balobi na yo loba olobi oui ngai nazoko kota na libulu bazoko bomanga parce que bizalele na ngai za mabe na yibaka to nazwaka basi ya batu to nasalaka bakisi oezo luka ko exterminer population donc bazana raison po tenga na kufa e bino ba yebotikali bona na bizalele na ngate bako kabata yo bakotso na libulu wana okozala tout droit bon le rosa tout droit eza na nzete moko ba manaka kolone la bato komo na onsanda batiango songe na motu e eza na bato bazalaka bien o bayebaka peta musala wana tango bakoloba maloba balobi baloba balobi maloba motu wana na libanda epai ya zali lone nzete wana ekoti yo ti bakamati bakondi batie mabele au vu et aussi de tout le monde et ba acte wana et ba neko koma rare parce que ba yebi ke soki na sali yango na ko sala réprimer. Voilà comment nos ancêtres vivaient. Par exemple, ok na zamba ok kokuta nyama batu na mutambu yo kamati nyama wana mbala liboso bakebisi yo ya mibale bakebisi yo zo yo kate bakusala yo bongo ozu mwasi bato libala bakebisi yo zo yo kate bakusala yo bongo oyibaka donc makambo ebele osalaka bakisi parce que ezalaka na basote ya bakisi ebele so balimba boma yo bakamati tonga batubi okufi babiloko wana ezalaka mingi ou alors alingi bien-être ya famille telle te akamati soki ndenge ni bapanda kosala batie bino na molangi bakekokunda molangi wana kuna musika ya foret comme milangi ezalaka te na bakalebas bakundi yango donc tibo kokufa pokotikala kozala heureux te e biloko wana ezalaka réprimé par les chefs na kote ya mukimbungu ezalaka mfumu lubabu onga na yebaka na kote ya kasi ezalaka papa moko Françoise papa ya bakaro ezalaka chef komo na ye mwanga voilà bato wana nde babanda kozwa role makasi na kati ya bamboka e soki akufi mosusu aremplace akufi mosusu aremplace c'était toujours comme voilà. Alors, la majorité de mon enfant, Baba na ko bengango donc famille mobimba et sali cérémonie et na cérémonie na balobi bamoni mwano yo azana maboko pete pe azana motema malamu ya kokaba toke yende na ba cérémonie na bakosala alors mwana wana akokoma riche metango akokoma riche richesse na ye ezali po na kosunga famille mobimba bazala heureux na likambo nyonso ekokokoma na famille ye il faut asungaka famille soki abebisi bikila wana richesse wana mpe ekei ezalaki na baretour te genre soki orespecte yango te okokaba vi to okobana na yo ezalaki na soki orespecte yango te mbongo wana ekimi yo ebaluki mutu mosusu nde mbongo wana eke na mutu mosusu mais dire que operdre bana non okoperdre bana te bana na yo bakozala na bango kaka mais tu seras un homme riche esoki obebisi balongoli yango bapesi na mutu mosusu oyo akozala dispo ya kusala musala wana malamu. Na kote na mimi mama yangu moi si azaki na position ni na kati ya familia. Bon, na kote na mimi mama yangu moi si comme na ba tribune on s'azalaka toujours chose fier. Dans ce sens que tilelo mutu akolinga kobala basi belé. Pourquoi? Parce que moi je suis azo sala bilanga. Et récolte biloko na tangwe ko salema mobali nde asa mokonzi. N'est-ce pas? Mobali moi so tango asali récolte bako kabola biloko. Papa azu oyaye ya mwasi etikali. Oya mwasi eza survie ya libota. Mais papa aza na droit ya kozwa biloko na ye ateki pona ba neveu na ye. Parce que azana libota na ye, azana bana na ye, mais pona ye famille na ye ezali ba neveu na ye na ba hein disons o bazana o ba bano yo ba ndekone ya basi bazo kobota. Bano ya zoko bota azoko mona bango baza peza pamba mais ba neveu na ye nde ba leki valeur bano ba sœur na ye bazoko bota bango de continuité ya famille. Eza lokola lelote ke ngai nazoko se pomone po bana na ngai batanga po bana na ngaba bala po bana na ngaba za laboy. Dans le temps ce n'était pas comme ça. Je veux plus viser mes neveux que mes enfants. Parce que c'est celle-là ma famille et la continuité de ma famille. Est-il le lot pratique qu'on a payé continuellement tout? Bon, naba village pratique on est Zali, mais biso na ville pratique on est Sila. Tokoma d'abord mes enfants. Tel que ngandi na Zali awa, je vois d'abord ma femme et mes enfants. Ndenge moko pe baleki nanga to sala pacte to lobby mutu na mutu a sala effort à promouvoir le bota na ye. Tozana consanguinité mais tozana moi division ezali que chaque le bota ezala na autonomie nango. Mais en cas de problème bisonyo se to sangisi mbongo to longoli likambo oyo et il biso na kate le bota. Tel que maman leki na biso ma sœur a wuti ko kufa. Et c'est cette femme qui a fait que notre famille devienne heureuse aujourd'hui. Aouti ko koufa, et toute la famille s'est concentrée pour na kokunda mama wana avec beaucoup d'honneur. Libota nanga, libota baleki nanga, baleki nyonso otozana bango na kati ya famille, il y a la famille élargie et la famille restreinte biso nyonso te se focaliser pour nous honorer maman wana ou sala que famille na biso lelo et comme une famille intellectuelle. Ah, et ça. En cas de problème genre moi c'est la qui na libala na mobile ya kufi ba bien mon mobile ya tika ka famille boya ka ko botola to botiki la ka moi si la veuve a mais bon na niveau ya mboka soki moi c'est ko fait le mobile carrément famille eye ekangindako tomba ko kangandako et moi suana ba pesse bikila afanda jusqu'à ce que son mari sera enterré et jusqu'à ce que tamoko oye kozala déterminé poye azonge la misala azana veuvage akokepe kozipaye lamba aloba na bato te asola na bato te asolola na bato te akolia mekolia moko ya kubomba akokende kosala ba besoin na ye me mutu oya kufela ye mutabana ko conduire ye pona ko memaye e pai ya ke na kosala ba besoin. C'est ça. Ceux qui peut-être qui a respecté ba condition à nous société ce qui actuellement en société risque les ali na la oui ceux qui a respecté te ezana ba ba inconvénient ko ya. Yepe akoki kokufa tokaza azo obligé à respecter mais lelo avec les religions qui se multiplient, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, changement dans Zakina Mboka, changement et bandi peko kota muke muke. Et bandi kota muke muke, ce qui reste soki mobali akufeli, donc mobali azwa bana na ye amema na village natal na ye alongwe na village ya mobali na bana na ye amemi bango na village natal na ye. Mais c'est ce qui est contraire par la mission à Kinshasa. Ngai na koyoko kufa, cette maison va rester pour ma femme et mes enfants. Voilà la différence de nous qui sommes en ville et ceux qui sont au village. Voilà. Et la même manière, tu veux que chaque tribu ait une grande particularité, na bango ya bilia, bilo ka bilia. Bon, biloko ya mboka na biso toliaka repas oyo ezali peza repas officiel ezabitoto. Repas wana biso toliaka yango na bayombe. Sur le plan alimentation, biso na bayombe toza à peu près na même repas. Toza à peu près na même repas. Bitoto wana balamba kango ndenge nini? En d'autres termes, babengaka yuma. Donc, bozui bosali musaka. Tango bosali musaka, musaka wane tokina moto, tokina moto, tokina moto, bakamati nguba oyo banika. Batie na kati, bakamati makemba ya mobesu. Batie, bakamati manioko, batokisa. Bakati kati yango bakare bakare bakare batie na kati. Soki pe bakosa mwa ndunda batie, bakamati mbisa kukauka. Batie na kati, nyonso na kati, babenga kango 3 pièces. Donc etoki etoki etoki bazoku balula bazoku balula bazoku balula jusqu'à ce que tango kotoka suke koya omozomo na peza mwamba wana ezoko mati saba ba biloko na likolo ezoko toka pa papa papa papa. Alors mama ameki et puis alongoli nzungu na moto. Soki alongoli nzungu na moto boko lia na lero wana te boko zela mwa moke esali ba géographie na likolo wana pate wana esali géographie e boko mona mafuta moko epime huile d'arachide bolongoli mafuta wana e soki bolongoli mafuta wana bokamati nzungu na bobaluli boye ekosopana te wana emonani ke mwasi oyo ayebi kolamba bitoto. E alors maintenant bakamati babandi kokabola na basani na basani na basani mutu na mutu azokolia. Dans les temps anciens basani ezalaka ya ba cruche ya mabele. Mais lelo avec l'évolution basani ezokuta kisasa zoke na bamboka. Alors en dehors de cela toza na mfumbwa mfumbwa obokome kolia awa toliaka yango mingi toza lisusu na wandu eza ba petit pois moko boye ebotaka epa na biso kuna me yaka pa wana kisasa. Soki eza ya mai ezalaka peza kitoko ezaka papa kitoko tolia kape mboe. Papa kitoko loka komo mboko. Tolia kape ba bizangi. Bizangi e madeso pe botaka mingi pa na biso. Okomona nzungu ya munene wana etondi na madeso. Bakotiela mutu na mutu na sani na ye. Doke madeso okomona ngwe bele e ozoko lia swati na manioko, ozo lia swati na kwanga, ozo lia swati na kwanga. Biso fufu ezalaka peza te. Manioko, kwanga, u bambala oya minene wana. Kwanga, tuzalaka na marke ya kwanga moko, babana yako benga kindende. Kindende wana, tai nango ezaloko na mwana oyu. Kwanga moko kaka bakotokisa na tono, soki kwanga wana ebeli, basopi, elali na nguna nwana na libanda. Soki pe kobetela mbule beteli kaka wana. lobby bokamati kuna batu basimbi koto batu basimbi boke ko changu na kwa moko boy tangwe kena kwa wana bofongoli makasa ya likolo mutu nyo saza na beja ko lia iloko na ye akekaka akati kwa akati mwandambu akeko lia iloko na ye ekwa ngone boke ko sala meme in a this man bazalaka ko benga mukindele andeo de sila tozalaka na bakwanga ntolula wana suki balambi yango quelques jours après komi makasi foko liango na nguba bakalinga ubie na mwamba moko baba nako sala nguba bakalingi bongo batuti yango lisusu na libuka bakamati pilipili oya mike batie na kati Mungu abatie batuti batuti batuti epato na lere ko salema bachangu na makasa wane zalai ko servir mingi na voyageur tangu na baba nako ya na mpumbu paske kisasa ezaka na kombo kisasa te kombo nango ezalaka mpumbu après ko koma leyo na ba 1800 quelque chose la on appelait Kinshasa pumbu ezalaka kote ya kitambo mais batu wabana kulungwa kuya kusala ba exchange troc ba yena ba piloko na bango e baso bazui oya awa basali exchange exchange wana babenga kango troc voilà comment il vivait ba kuya basomi ba bazui ba makayabu mungwa sucre ba savon ba kenango parce que biso savon ezalaka liboso ezalaka makasa ya paipai ozonika nango elamba pezo bimisa fulu fulu. Ah bon? Almete zalaka, ozili banga, de mabanga, mabanga moko ebane ozana na ba rivière, sorta mabanga wana, soko frote tsan, ozili ba, ba biloko e kawuka wana otie, frote tsan, tsan, tsan, okumona moto epeli. Do les ancêtres avaient leur originalité. Okumona moto epeli. Et il savait protéger ces mabangala. Muto basuye na nyoka ezalaka pena sorte moko ya libanga obo benga kalelo pierre noire. Soba kamati bakati nzoloko bazili bango na batie akobenda ba venin nyonso et puis opiki. Voilà comment il vivait makila elekio na nzoto. Bazalaki na liseke moko liseke mwana bachio au na panzi bongo mbange moko oyazalaki initié na likambwana azoko benda abendi soki abendi okumana makila nayo ena munoko na ye abwaki abendi lisusu makile ena munoko na ye abwaki eye moko yabi autant de fois akobenda makila wana okumona ba vertige banayo komona esile toke bazaka na ba façon na bango ya kugerir. Il y avait des plantes médicinales et qui guérissaient aussi. Est-ce qu'il est arrivé que moi, si abouti, il m'a pas ça? Vous m'avez pas un moment de rien. Ce qui moi, si abouti, il m'a pas ça. M'a pas ça, bazalaka bana moko sacré. Bazalaka bana moko sacré. Alors, faut bikila et salema. M'a pas ça, ndoulou. Bana wana bazalaka na babikila na bango. Alors foko yeba kosala bikila na bango po bazonga te. Upo moko azonga te. Donc il faut kosala la bango bikila, koyembe la bango banzembo ainsi de suite. Bongo oyo akobota mana sima mapasa. Oyo akobota mana sima mapasa babana ko benga ye nlanda. Wana pe azalaki na mwa pouvoir e ba mapasa wana soki pe basiliki il faut ko bonde la banguna ba rite parce que bazana une certaine puissance. OK, voilà comment ndengeni ne bazalaki ko considérer ba mapasa ndengeni ba manayi ko considérer ba ndundu ndenge toyoka na ba pays mususu teke ndundu ba kotumba ye non. Bisondundu azalaki na une certaine puissance qu'on pouvait exploiter. Telle que na famille na biso, tozalaka na ndundu moko, kombo na ye papa David ndundu. bato bana ko uta na bamboke bele bakoya na mboka na misopo da kozwa traitement e pa inaye il soignait traditionnellement et il avait ses miracles à lui tant ba pelisi moto makasi okomona ye abini abini abini moko aka kotine na moto wana e banzembo zokotoka tango azubina na avana azubina na nakati ya moto ya munene bazoko yembe na ye bazoko yembe na ye bazoko yembe na ye ngonga moko kokomona abimi na ye na moto et alors il était un homme sacré un homme à craindre un homme à approcher quand il y a un problème hein par exemple zolo tabando to mabe faut que noko tuna ye parce qu'il fait des miracles. Moto ke na mboka na biso soki ya zoko kende ba memi yete akomi a quelques distances au mona moto ka wana na sima ezoko ka kokene lisute il faut ba ke de kobonde la ye aya ko mata na moto ka po moto ka e demare vous comprendrez il avait quel pouvoir c'est ça. Ok, merci beaucoup, Papa Kitoko. Je crois que ma manière, surtout vraiment, vu vraiment opportunité, il y a quoi, origine Nabino, place Bouta, et Ndengi, Naboka, Nabatan, Nabi, Maleko, Kosalama, Bambala, et puis tradition, rituel, Ndengi, Maleko, Salama. Et là, on a omis un peu, Ndengi, on a dit que moi, Aza Sima, et Mobali. Ezalaka na babiloko oyo mwasi akoki kolia te. Eza seulement destiné na mobali. Le quoi biloko ni papa? Nzombo par exemple. Mwasi akoki kolia te, sinon te mabele koya ye mulai. E bana ka koya mulai. Kasi ko peki se batu nzombo mbisi mboyo ke ama makambo. Quand il y a un problème entre l'homme et la femme, ils vont seulement donner raison à l'homme. Quand bien même que l'homme a tort. Mais publiquement comme ça, l'homme doit avoir sa raison parce qu'il est homme. Et yo moi si tant que je n'ai pas mobile na yo que nous tourner les cambo, tu dois aller au fukami au joyeux na ko fukama. Oyé, au betina no maboko, tata, mwana azana les cambo boy, les cambo boy. Kinyanga, banyanga pour le faire avant de Maman, c'est quoi hier? Ngai na vari na chaise longue. Tato na zoko mela vin de palme nanga. Tata dia munzole le kuzaisa. Alors sona lingi ko répondre hier avant de répondre. Mais pour na ko na sa supériorité nanga na sali lokola na yo kité. Après un certain moment na lobi na ye bon loba. Ala bandiko loba bandiko loba bandiko loba. Likambu ya lobi na yo ki amu. En tant que homme et sage. Ce qui n'a rien qu'à répondre, il est rien à répondre. Ce qui n'a rien qu'à lui dire, na yoki. Na yoki, allez y à zongi, tout en étant à genoux, à zongi kuna. Et je ne dois pas seulement voir une femme, des femmes alors. Alors, tant à zongi, ngai moko na koyeba. Tantôt ça peut passer 3, 4 jours ou 5 jours na bengi à y lissus. Les cambois ou l'obac en a réponse en go, yangoui. Mais parfois, il venait ma couture si elle est qui. Mais la femme ne pouvait rien dire. Voilà comment la femme était chosifiée. Donc, l'homme était homme. Et cette pratique, comment est-ce que vous la trouvez? Est-ce que ça, il y a au moins, madame, il y a qu'au col ici, à vous, même au banan, vous avez tout mal. Non, non. Toi, il faut qu'on. Faut qu'on bannir yango. Ngana tele ya kama bana na paroisse Sainte Thérèse. Zo mona place ona ba komi mariage civil. Okay. À peine je venais de de parler avec les enfants qui vont se marier bientôt. L'homme et la femme sont des créatures de Dieu. Ils sont égaux. Bien que l'homme étant créé à l'image de Dieu, l'homme est le maître du foyer, n'est-ce pas? La femme doit être soumise à son mari. Mais la soumission ne veut pas dire que l'homme doit être dictateur. Non. La femme est une aide semblable à l'homme. L'homme doit savoir écouter. Quand il y a une décision à prendre, l'homme doit soumettre le problème à sa femme et ce que la femme lui dira, parce que les femmes ont leur originalité, les femmes ont une certaine intuition. Quand elle vous dit quelque chose et vous n'obéissez pas, les conséquences seront néfastes. Voilà ce que nous enseignons aujourd'hui. Mais dans les temps, ce n'était pas comme ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc c'était vraiment dur pour la femme. Et l'homme peut avoir plusieurs femmes, mais la femme ne doit avoir qu'un seul mari. Ce qui est quand on a mobile mususu, ok. Donc on est bandé pour qui peut-être même basse peut pas bander pour. Voilà, comprenez que nous sommes accompagnés de Papa Kitoko, un vrai Munyanga, surtout que le bon bon, il y a vraiment tradition, il y a et je crois que Boza, vraiment, on sait parce que Nabiso, Nabino, Toyekoli, Toyoki, les Lenini, ma Munyanga, ma Bandeko se comporter, Nini, ma Bandeko, Balana, comment est-ce que ma Bandeko vivre, Papa Kitoko. Merci beaucoup pour la invitez-moi un mot de la fin par rapport à l'émission à l'élo. Je crois que les gens ne sont pas les gens qui ont soukaté. Et puis moi, quand c'est parce que nous avons vu que le but, on a dit que et puis le message, moi, pour les nouveaux mariés, on a besoin de conseils dans le domaine du mariage. Vous avez votre temps, je vous accorde 10 minutes. Merci. Rapidement, je voulais plutôt épingler un point que j'ai oublié. Ok, pas de problème. Bisengope Zalaka, Bambunde Zalaka, Mbunda Yesengwe Zali, Mbunda Yabipembepe et Zali. Ce qui Mbunda Wana Bayoka Muna Musika Balubia, Namboka Songolo et Bembe Zakuna. Et Nebembe Wana Foba Beta Mindouki. Basse Baka, Mindouki Wana Zobete le Paiboui. Mbunda wane zobeta, yeza yebem. Mbunda wane zobeta, yeza yesem. Voilà, bisengwe zalaka, mawape zalaka, et ba orfelemba zalako vivre na place moko, va boko. Donc, en gare moko basala, basi nyo sofobe akakotika biloko na bango ya kolia. Et ça aide les orphelins de vivre paisiblement et d'apprendre des métiers. Et d'avoir des conseils auprès des vieux. Voilà. Et ce que je peux dire, Ezalaki malamu pezate, même akamya malamu pe Ezalaki. Namunda lelo, to banir biloko ebele, ngai na koyoko souhaitete, ke ponga ina kufi, mwasi nanga akene kovanda, epai mususu. Mwasi nanga na bana nangai, bazali, bana nanga, baza makila nanga. Ils doivent demeurer dans leur parcelle. Mm-hmm. C'est ça ma transcendance. Voilà. Et na sepeli na bino mingi na nyonso auto soluli soki ba monsieur pour continuer parce que na paroisse na monsieur Sainte Thérèse présentement c'est moi qui suis le responsable de mabota. Okay. Mabota à l'église catholique signifie bato bate ya kamabala. Donc le bala moko ko ko sala na paroisse Sainte Thérèse te ce qui est lequel et pas une réalité. Mais les bala, moi si na mobali, faut bolingana, bolingo ya solo, mobali linga moi si na yo, moi si linga mobali. Papa, plutôt que j'aimerais que Oloba, bah conseil voilà, na kinyanga de sorte que bah de connaître surtout baza partout, bah mec un peu pour se retrouver, puis bon tepe na bah manyanga nyo surtout baso talanga. Ah uno enende na kamba. En tant que responsable à ma bota ko paroisse Sainte Thérèse, kuela mfunu kwena. Et bulu kuela ne dialogue yifutikala, lufuti yambilanga. Voti yambila bandu, yivo vakala nga vamboto. Vokaloti yambilako, mambo maminyi bimbanza mbaza bia bingi bikuizanga. Lufuti yambila, e buluti yambila, lufuti zola sana muta kedika. Nkendo, baka la zola nkendo wako. Botubu zoli langanito wako. Nkendo mbe, zola baka la diaku. Kadi unandambu ya nito wako. Baka la, unandambu ya nkendo, kendo unandambu ya baka la. Lufuti mazola sana muta kedika. Vunkendo wako kuti bela, ngembe nito wako yibelele. Mono nkendo mwa belele, mono bene, maladi ya kedi. Vu comprendre ke mono ya belele, madame belele estoma, mono ben belele estoma. Okay. Et je vous dirai que vunzola yitu mene tatamana, ya une petite ressemblance qui arrive entre l'homme et la femme. Vous verrez bizizi bifona kene fioti. Je vous remercie de tout cœur. Et je remercie cette émission. Et je souhaite qu'il y ait continuité dans les jours à venir. Merci maman. Okay, merci. Je vous remercie de tout cœur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission. Bicolo et Mbokanabiso. Voilà, Batobele, vous m'équipez pour comprendre ma manière de vous savoir. Néhénin Babalanaka, Bakutum Nabango. Et je crois que ça lui vraiment plaisir. Nabamanyanga Nyo, surtout Bazap partout dans le monde. J'en profite de cette occasion pour souhaiter un très bon séjour à celui qu'on appelle Willy Mamona. Willy Mamona, bon séjour à toi, papa. Et merci également à toute l'équipe d'Eco RDC. Oui, papa. Na pesimbote ming Nabamanyanga Yakas. Ok. Et na zoko rappeler Bango que. Mission Kassi est au coup qui s'est 100 ans. Tout ça le fort, tout ça gana, tout y est pas. Nini toko sala pona centenaire et mission Kassi. Et bisouba manianga tous à la soude, tous à la soude, tout tika kokota na politique, ou est au coup distraire biso, tout à la culture na biso. Ok. Voilà, merci beaucoup à mon sponsor Yves Nibola, le manager. Merci beaucoup et merci également à toute l'équipe de Mwana Mboka General Trading et Zawana vraiment Malobi. Vous avez un projet Nayo, vous avez activité Nayo, contactez Mwana Mboka General Trading et Zawana vraiment pour nous commenter. Et merci également à toi mon pote Dimitri Bongania. Également à Anto et Mario Strait, pourquoi pas à celle qu'on appelle Tabou Tabou, et pourquoi pas à mon boss Jean Thibaut Thibaut. Merci également à tous mes collaborateurs de ITRDC, mes consoeurs, mes confrères, et pourquoi pas à toi Peggy, le coordonnateur, Nancy Kassongo, Clara et les autres, je vous aime beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette très belle émission. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Restez connectés, branchés sur EPRDC. Vous ne serez jamais, jamais, jamais dessus. Merci également à mon père spirituel, le pasteur Isaïe Mukendi. Bananio sorti à Cité de la Grâce. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et merci également à mon papa. Romiel Coco. Depuis quelque part. Merci à toi, André Cazette, depuis quelque part. Et pourquoi pas à celui qu'on appelle le grand A, quelque part également. Je vous aime beaucoup, on se retrouve à la prochaine et surtout, portez-vous bien et bonne suite de programme sur EcoRDC. Bye. Mais moi, j'aimerais aussi remercier mon cardinal. Ok, pas de problème. Je remercie mon cardinal Ambongo, Je remercie tous les prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa et je remercie tous les prêtres qui nous sont chers, qui nous enseignent et qui nous donne une certaine éducation religieuse. Je vous aime beaucoup. Okay. Et continuez cet apostolat. D'accord. Merci également à toutes les femmes de bonheur de l'association de femmes de bonheur. Mon caméraman privé, Estaban, hein? Voilà. Ok, Estaban, Bonistar. Je remercie également mon épouse qui est à côté de moi, Maman Françoise. Merci beaucoup, Maman Françoise Louindoula. Et pourquoi pas mon fils Abebeni Kitoko. Okay. Et tous mes enfants, je les aime beaucoup. Okay. Ce sont les fruits de mes entrailles qui vont me succéder pendant que je suis au chevet de ma vie. Je vois que cette progéniture que j'ai donnée. Bye. J'aime aussi mon petit frère André, tous les autres. Je les aime beaucoup. Naomi et tous les autres, je les aime beaucoup. Okay, le papa d'André, le papa de Naomi, c'est André. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous sommes vraiment confiance. Vous continuez pour me faire un amour. toye kola toye ba ba origine na biso toye ba ba coutume ba tradition na biso eza vraiment important pour na biso et puis pourquoi pas pour na bana na biso. Donc voilà, je vous laisse, on se retrouve prochainement, bye bye. Thank you.